Si vous voulez reconstruire le monde à l'extérieur, je ne vois là aucun problème. Mais ici, à l'intérieur, c'est la fin de toute existence. Ben voyons donc, toi, tu commences avec un peu plus de... Oui, de ténacité. Oui, mais là, on avait demandé à Jean-Alain Malin. Ben oui, mais Jean-Alain Malin, il est jamais là. Comment ça, il est jamais là? C'est la première fois qu'on l'invite. Ouais. Ah, ben t'as tout à fait raison. Où est-il, Jean-Alain Malin? L'avez-vous appelé pour dire que l'émission, c'était maintenant? Ah ben là, si on commence à appeler tous les invités... On n'a jamais d'invités. Ben, on devrait en avoir davantage. Ouais, mais là, il faudrait que vous les appeliez. Ben là, on peut pas les appeler. Alors, comment ça, vous pouvez pas les appeler? Non, on peut pas les appeler. Ben non. Ben certain, on peut pas les appeler. On peut pas les appeler. Oh, elle les appeler non plus. Eh, monsieur. Je suis gêné. Ah, t'es tout le temps d'une timidité extrême. Ouais, mais moi, là, est-ce que ça se voit quand je suis comme un peu insécure, là? Je transpire comme le porcelet. Ah, non, ça, c'est le port. Ben oui, le petit port. Mais le petit port, c'est le bateau. Oh, le petit port, c'est le bateau. Oui. Et le gros port? Ah, ben là, le gros port, on peut pas le nommer. Comment ça? Ah, ben là, ils vont nous couper des ondes. Oh, c'est vrai. Faut se censurer. Ben, à peine, hein. Moi, je te dis, à 3,7, là, je te censure. À 3,9, tu passes pas. Mais à 3,2, 3,4, c'est excellent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gens comprennent absolument rien dans cette stratégie numérique. Ben oui, ben là, il n'y a pas de stratégie. Le 3,5, tu passes à peine. Oui. Si t'es sur la ligne. Oui. Quelle ligne? Quelle ligne? Ben, c'est ça, tu parles. Premièrement, trouve le micro. Ben oui, mais il fait noir ce soir. Ben ouais. C'est toujours noir le soir avec toi. Ben oui, mais là, mettez un peu d'éclairage. Ben ouais, ben là, on a tout mis sur le micro. Ah, c'est vrai. Excellent micro, on dirait que j'ai une... Viens de voir que les gens qui nous regardent à la télé, c'est merveilleux. Je me cache dans le micro, c'est on voit juste un nez. Non, mais le nez, on le voit, c'est le micro. Hey, c'est merveilleux, on ne voit plus le visage. Hey, je suis beau quand on ne voit pas le visage. Alors, Jean-Alain Malin. OK, Jean-Alain Malin. Est-il ici? Ben là, il doit chercher la station. Ben oui, mais j'espère que vous lui avez bien mentionné que c'était pas assez correct. Ben oui, mais on n'est pas... Ah, vas-y, là. Ben, bête. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Tu peux bailler, bergère. Tu peux bailler, bergère. Un jour, tu vas grêler. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas la teneur de Jacques Brel. C'était désolé, bergère, j'aime point les moutons. C'est pas point, c'est pas. Ben, pas point. Non, c'est pas point, c'est pas. Pas, OK. Fâchez-vous pas. Non, mais fie-toi au texte. Ben, vous, est-ce que vous êtes fié au texte? Ça n'avait aucun sens. Ben, oui, mais c'est normal. OK. Alors, c'est désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Il pleut, bergère. Prends garde à te garder, bergère. Un jour, tu vas bêler. OK, ah oui. Hey, c'est misogyne. Qui ça? Misogyne. On l'a pas invité, misogyne. Ben non, on l'a pas appelé. Ben, ouais, c'est ça. Si vous leur avez dit 405 3e avenue, là, ils vont se tromper. Pourquoi? C'est pas CKRL? Ben oui. On n'est pas produit. Non, on n'est pas produit. Ah non, on n'est pas émis. Ah oui, on était émis. Amy Winehouse. Elle était en forme, très en forme. Ouais. Amy Winehouse. Hey, tu forces sur le Winehouse, oui. Comme Westinghouse, monsieur. Bon. Qu'est-ce que tu disais? Je le sais plus, moi. Je le sais plus. Je me souviens même plus de mon nom. Oh. Ouais, mais c'est étonnant pour les gens qui nous regardent à télé. T'as le nez dans le micro. À un moment donné, tu vas dormir. Les gens ne sauront pas. C'est tout à fait étrange, mais quand on nous écoute, ça paraît pas, c'est vrai. Faudrait mettre ça autrement, mais en tout cas, c'est de la technique. On a, tu sais, Ticu Baudouin doit s'occuper de placer un micro d'une manière conventionnelle et intéressante pour le public qui, autant qu'il nous écoute à la radio, qu'il nous entend. Vous nous entendez? Ben, je suis pas certain si on nous entend. Ben là, t'as pas branché le micro? Ben oui, il faut y brancher, mais je pense qu'il est trop viagrasé. Comment? Viagrasé. Ben oui, il y a Viagra, puis trop monté vers le haut. Ah, bon. Là, tombe pas là-dedans. Non, on tombe pas avec Viagra. On monte. Ah oui, c'est vrai, on tombe pas. Ben, j'espère, hein, les gens qui prennent ça. Oui, mais ça pompe le cœur. Ah oui, comment ça? Ben là, actuellement, là, t'es rendu à quoi? Moi, c'est... à ma troisième capsule de vie. Je me tiens pas à vie, moi. C'est exactement ça, je te disais. Calme-toi un peu, là. Hey, t'as le pompon qui suinte. Hey, c'est vrai. On dirait que je suis dans le système ecclésiastique. Oh, mon chut! J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Oui, t'as dit ecclésiastique. Oh! Faut pas dire ce mot-là. Non, faut pas dire. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai un cheveu sur le bout de la. Oui, de la. Alors, si vous avez dit 405 3e avenue, c'est bien certain qu'ils vont arriver à Sécorel. Ben oui, mais on n'est pas là. Mais non, on n'est pas là. On est où? On ne sait pas. On est dans le néant. Alors, l'adresse du néant, c'est très simple. Prenez en note, Mme Thibodeau, M. Grondin. Ah non, M. Grondin n'est pas là. M. Grondin est parti. Ben voyons donc, il n'y a pas juste un M. Grondin sur la planète. Oh, oui. Ah oui, avec la naissance de ce Grondin-là, ils ont tout coupé les Grondins. Puis ils voulaient plus non plus que ça se propage. Hein. C'est un événement, cet individu. Oh! C'est une stature intellectuelle. Ben là, voyons, est-ce que tout le monde le connaît? Oh! Au Népal, j'étais au Népal la semaine dernière pour signer des autographes, histoire de faire de la promotion de mon émission Errance Rénaldienne au Népal. Ben ouais, ça parle pas français au Népal, mais. Dis pas ça, il y a beaucoup de francophones partout sur la planète. Même au Népal. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Népal? Ah, ben, bon, premièrement, il y a la danse de la népalaise. Oh, ne vous déplaise. Ça, je te l'ai déjà faite. Oui, ben, je l'adore. Je l'adore. Ne vous déplaise en dansant la népalaise. Oh, c'est vrai, ça vient de là. Ben non, c'est Gainsbourg, mais moi, je l'ai adapté pour mon grand succès. J'ai fait des émissions au Népal. Oh! Est-ce que ça a été diffusé? Ce sera diffusé là, dans les semaines à venir. À venir, ben là, parce que c'est pas passé aux douanes. Ah, ça pas entendu des trucs. Comment? Je me suis emballé. Emballe-toi pas trop, toi, là. Parce qu'on n'a pas de choux, puis... Georgette, ouais. Avez-vous des choux? On a des choux en canne. Des choux en canne. Êtes-vous capable de nous faire des choux en canne? Choux! Ben, c'est pas en canne, ça, là. Ça, c'est en... Comment? En riz pressé. Ben non, c'est pas pressé. Allez-y, là, avec les choux en canne. Chou! Hey, ça, c'est en canne, ça. Mais vous, ça, les choux en canne, madame? Allez-y! Chou! Ah, merveilleux. Hey, ça, c'est une bonne émission, hein? Vive l'émission! Chou! Oui! Bon. On en demande des choux, s'il vous plaît. Chou-plaît. Des choux, chou-plaît. Comprenez-vous? Chou-plaît. Hey, on n'est pas des imbéciles. Quoique, non, pas les auditeurs, mais vous, madame, pas certain, moi, là, vous avez la neurone un peu dans le bocal. Mais non, j'allais dans le punch. Dans le punch, encore, c'est encore pire dans le punch. J'espère que c'est aux fruits. Ah, c'est aux fruits défendus. Aux fruits défendus. Alors, allons-nous donner l'ingrédient? C'est pas l'ingrédient, c'est la recette. Oh, la recette! Du punch défendu. Oui. Mais il faudrait attendre d'avoir la réponse. Pourquoi? Ben, c'est défendu. Punch défendu, c'est défendu. On peut pas dire la recette. Ben, voyons, c'est peut-être un nom suspect pour attirer la foule. Ben, voyons. Les gens n'aiment pas ça. Tout ce qui est suspect, là, ça plaît pas au peuple. Le peuple veut ce qui est propre, ce qui n'est pas ambigu, ce qui est clair et net. Alors, c'est pas cette émission-là? Non, c'est pas cette émission-là. Chou! Oui, chou! Cette émission-là, chou! Bon. Eh, mais, est-ce que c'est déjà... Il est en train de nous lâcher ça. Vas-tu survivre? Ah, pas certain, moi, là. J'ai demandé à Jean-Marc. Ah, mon Dieu, pas lui. Ben oui, mais là, il est insignifiant, là, parce qu'il nous a placé ça vers le haut. Il nous a viagroté le micro. Ben, t'es encore là-dessus. Ben oui. Il faut pas parler de technique. Les gens le savent pas. Ils veulent pas le savoir. Ils veulent se divertir, se dilater. Ben, qui se dilate? On leur empêche pas de se dilater. Non, c'est au niveau de la rate. La rate, du raton, de la chou! Hein? On n'a pas peur ici de se chouchoir nous-mêmes. Hey, monsieur, tu t'es échu? Je me suis échu, oui. Mais, je fais dans le cuir. Ah oui, oh! Le jeune homme fait dans le cuir. Alors, on demanderait surtout aux parents de ce petit bambin. J'ai 19 ans. Le bambin a 19 ans. Alors, les parents, chouin, chouin, chouin, chouin, chouin, chouin. Oh! Alors là, Jean-Alain Malin, est-ce qu'on lui a dit l'adresse du néant? L'adresse. La. C'est-tu l'adresse, ça? Oui. Parce que ça chante ici dans le néant. Ben voyons, j'ai jamais entendu une adresse se chanter. Mais non, pas sur la Terre, là, non plus, non. Sur la Lune, on chante pas ça. Mais dans le néant, c'est tout chanté. Tout chanté. Tout chanté, rien cochonné. Oh! Ça, j'aime pas ça quand c'est cochonné. Ben non, c'est pas cochonné non plus dans le néant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans le néant? Dans le néant, il y a tout dans le néant. Le tout est dans le néant. L'ensemble est dans le néant. Le macrocosme. Ah, mais nous en, on est brouillé. Mais non! On est très clair dans le néant. On voit tout dans le néant. Tout tourne autour du néant. Toute la structure de notre société pivote autour du néant. Moi, je pensais que c'était le pôle, pas Rideau, là, mais le pôle Baillargeon, non, pôle Sud et le pôle Nord. Mais oui. Là, tu parles là, de quelque chose de très cartésien, quelque chose de très saisi par un peuple en délire, parce qu'il a tout compris de cette stratégie, excusez-moi si je redis les mêmes mots, mais j'ai un vocabulaire extrêmement restreint, j'ai un petit cerveau. Quoique dans le néant, on peut se laisser envoler. Oh mon Dieu, tu t'envoles? Oui, envoler. C'est un aperçu du néant. Ouais, mais là, on retombe sur Terre, oui, souvent. C'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on peut quitter la surface, parce que c'est là-dessus qu'on se pose, vers le néant, on va voir le bouchon du néant, on rentre dans le bouchon. Ah, mon Dieu! Hey, en parlant de bouchon, t'as pas essayé la nouvelle bière de CKRL? Ben non. Pas encore. Je voulais le faire ici, mais ça va très mal pour moi. Mes horaires ne sont pas compatibles avec l'achat de cette bière. Comment ça? Je vais tout vous raconter ma vie. Non, on va passer à la musique. Oui, mais avant, un petit bout de ma vie. Bah, ça intéresse personne. Oui, ça intéresse les micros. OK, c'est vrai, il est tout droit. Il est tout droit, les oreilles droites, comme un lévrier. Oh, c'est vrai, hein? Il est de toute beauté. Bonjour, petit micro. Arrête de flatter le micro, ça plonge de partout. Chou! Bon, OK. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ben, dis pourquoi tu peux pas. Ah oui, c'est vrai. Mademoiselle, ça va bien? Oui! Merci beaucoup. Mademoiselle, monsieur, c'est très simple. Le matin, je termine à 7 heures. Oui! Et là, ici, on peut se procurer de l'alcool à partir de 8 heures. Oui! Alors, je suis pas présent parce que je m'en vais chez moi qui est très loin de CKRL. Oh, tu travailles près? Je travaille très près de CKRL. Mais j'habite loin de CKRL. Pourquoi? Ben parce que la distance fait de nous on est comme attiré, hein? C'est comme un couple qui se sépare lorsqu'on se revoit. On est tout charmé. On a hâte de se refaire une rencontre. Ah, mon Dieu! Ah, bon, mais moi, en habitant à l'autre bout du monde. Oh, c'est où ça? C'est dans le néant. OK. En habitant dans le néant, ben, 8 heures, je peux pas être là pour acheter de la bière. Oh! Alors, la bière, c'est quoi? Je vais pas encore goûter. Qui va te la faire goûter? Ah, ben, je vais en manger toute une. Quoi, la bouteille? Ah, peut-être la bouteille. On va partir. À un moment donné. Oh, ce moment donné-là, ce sera quand? Tu as toujours vu chez les gens ce qu'ils avaient de moins bon. C'est vrai. Madame, vous avez... Tu n'as jamais rien fait comme tout le monde. Ben, là, et même devenu célèbre, tu t'es toujours méfié de ton prochain. Ben, effectivement, vous avez raison, chère dame venue d'une autre voie. Ma célébrité m'a un peu modifié. L'état mental, certes, est resté le même. Mon débit au niveau de ma sûreté linguistique et narrative est resté la même. Mais pour le reste, les cheveux ont bien poussé depuis. A radio network, an empire upon an empire. I make no promises. On the mark, with one purpose only, to point out and make public the dishonesty, now in complete control of the government of this state. There is only one man who can rid the politics of this state of the evil domination. Hello. C'est-à-dire que, je sais pas, quand j'ai vu, bah, justement, dans les années, dans le milieu des années 90, dans le post-grunge, les vidéos de Nine Inch Nails et de Marilyn Manson faites par Fiora Sigismondi, qui était très inspiré des photos de Joel Peter Witkin. Au début, je connaissais pas trop Joel Peter Witkin. Je suis allée voir ses photos et ça m'a ouvert à toute une partie artistique. Je sais pas, c'est à chaque fois, il y a quand même. La plupart des artistes un peu intéressants ne s'intéressent pas qu'à la musique. Dieu merci. Ils se passionnent, voilà. Ils se passionnent pour plein d'autres choses. Ils ont une culture générale. Et donc, ça se nourrit. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont surpris en discutant avec? Parce que après ma mort, tu croyais que c'était des cancres, des imbéciles, et en parlant avec, c'est quand même. Très souvent. Ils ont une profondeur d'esprit. Mais très souvent. C'est-à-dire que les mecs aiment bien passer pour le des dernier cons. De la classe. Ah oui, c'est ça. Et le côté rock aussi, le côté délinquant, le côté. Voilà, et puis. Très vite, quand tu discutes avec eux, tu t'aperçois. Bon, alors il y en a qui sont. Cons. Qui sont un peu couillons, il faut bien le dire. À la base, cons, ils sont nourris. Mais la plupart, bouquinent, ils s'intéressent aussi au cinéma. Il y a un truc très bête. Quand ils sont en tournée, ils sont dans un bus. Des heures par jour, donc faut bien s'occuper. Alors bon, il y a ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais il y en a quand même beaucoup qui vont voir des films, il y en a beaucoup qui vont lire, il y en a beaucoup. Du coup, ils ont plein de choses à raconter sur. Moi, souvent, je leur demande d'ailleurs ce qu'ils font pendant la tournée pour occuper leur temps, et ça part sur d'autres sujets. Et voilà. Ok, c'est là que ça peut s'ouvrir sur plein de trucs. Et puis, je sais pas, par exemple, quelqu'un comme Frank Black est capable de faire tout un album thématique sur un peintre ou un artiste un peu inconnu, et du coup on part sur une autre direction comme ça où il me raconte justement cette personne là. Today's story is about a kid with a great future, but he had something more important. He had heart. And now, ladies and gentlemen, the makers of Human Emotions, we interrupt this program to bring you a special news bulletin. Yes, that too. The truth, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you're gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. I gotta tell you how I feel in the rhyme. I say, you gotta hear it how I feel in the rhyme. And the truth, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you wanna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. I say, I gotta tell you how I feel in the rhyme. And yo, you gotta hear it how I feel in the rhyme. Looking at my Casio, about that time. It takes a military action, yo, I gots to shine. And the only way to do it is to stay fluent with the rhyme. So I'ma stay on the grind, plus walk a thin line. I gots to get mine, whether it's straight or doing crimes. I'ma motivate like a guide dog, lead the blind through this shit. Whole planet, I'm searching to try to find a reason to stay alive. Crossfading to survive, oncoming obstacles. Got a pocket, a piece of the pie. Wild, wild west, I gotta reach up for the sky. When I rocket to the top of the mountain, divine's what they call me. So follow me, all in together now. Divide from the rest of the genre, testing my limits. But I've invested into a life sentence of this. And I'm meant for this shit like Phantom Force or Wax Taylor. We bringing it from the soul like our first name was Dayla. And the truth, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. And I gotta tell you how I feel in the rhyme. And you gotta hear it how I feel in the rhyme. And what's the truth, truth, truth? You can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this. A ball's quick to smash with pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme. And I gotta tell you how I feel in the rhyme. And you gotta hear it how I feel in the rhyme. And to all my peoples, this is it. Hey kid, walk straight, master your high. Be a bystander lost in this catacomb of a labyrinth. Let me take it back past lifestyle using my landing cross. I set up rhymes for a decoy. I'm the other brother, watch the MCs we destroy in this binary operation. What you facing? My man Wax Taylor and the big old flows creator. Galaxy of planet seeds for the world to see. This beautiful thing, but deadly like a sword swing. Animation frequencies run fast in the mercury with a telegram. To let you know you're not the man, examine the hologram. We'll see you soon. Switch the tune as we put the self-control and throw a song. sonic boom. The subject matter, your heart will shrivel up in subvention to us. It's supernatural when we discuss the truth. You can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this, a ball's quick to smash the pressure on the heartless. So every day I gotta walk the line. You gotta tell me how you feel in the rhyme, yo. I gotta tell you how I feel in the rhyme, yo. You gotta hear it how I feel in the rhyme. The truth, man, you can't handle the truth. It parades right in front of you. Tell me what you gonna do. Be on top of your game, so what I call this, a ball's quick to smash the pressure on the heartless. So every day I gotta walk a line. You gotta tell me how you feel in the rhyme and say it. I gotta tell you how I feel in the rhyme and say it. You gotta hear it how I feel in the rhyme. Come on. Mic, 1, 2, 1, 2. Microphone check, 1, 2, 1, 2. Mic, 1, 2, 1, 2. Microphone check, 1, 2, 1, 2. Mic, 1, 2, 1, 2. Microphone check, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Puis le président, merci. On va avoir branché ici devant une auditoire ce soir. Monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, il y en a beaucoup. Mesdames les voluptés, il n'y en a pas tant que ça. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Soir, j'aime ça, l'écho. Je me croirais à l'église et un curé au bout de la soutane qui ne se tanne point de redire son psaume. Son quoi? Son psaume. Un psaume, c'est pas... oui, c'est chou! Chou! Le psaume! Bienvenue à la douce rénalité. Excusez-nous. C'est diabolique. À l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure... Et c'est long, hein? Oui, c'est une introduction. Comment? Une introduction. Oh! Introduisez-vous. J'introduis. Tu t'introduis? Je m'introduis. On va ça sera absolument pas douloureux. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Ça devrait pas être douloureux, madame Eckhart, oui. Nous marcherons... À 8, 9, 9. Parfait, 9. Restez comme... Nous marcherons ensemble... Je vais marcher vers vous. Faites attention. Préparez-vous. Nous marcherons ensemble. Allez, madame, à gauche, s'il vous plaît. Oui, vous êtes heureux. Oui, parfait comme ça. Nous marcherons. Ben, je marche vers vous. Mais... Excusez-nous, nous étions en train de nous. L'angle presque mort, là. Mais t'es pas mort? Mais presque mort. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné, et c'est notre dernière avec notre douce et talentueuse Isabelle Shirley. Aujourd'hui, le vendredi 7 octobre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos... C'est un grand succès, ça. Ouais, ça sent le succès. Ça sent le... C'est le succès. Oh, mon. Ça sent ça, le succès, oui. Oh, j'espère d'en avoir... De ne pas en avoir... Ouf, c'est quoi? C'est le succès, mam! Ouf! C'est un fumier de succès! Hey, ça, on n'en veut pas de succès! Chou! Chou! Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Isabelle Shirley. Journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley est l'auteur du TikTok. Je suis sûr que je prononce mal son nom. Isabelle, ça va très bien. Ah, c'est vrai, il y a Jean Leloup avec Isabelle. Hein? Je lis ici Jean Leloup, mais je ne suis pas certain qu'elle a la chanson Isabelle. Faudrait que j'y passe une par une. Puis, une par une, je range mes affaires. Une par une, et au fond de moi, je me disais, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, mais en tout cas, si c'est pas Shirley, je m'en excuse infiniment, mais c'est C-H-E-L-L-E-Y. Pour moi, c'est Shirley. Moi, j'ai Shirley élastique. Moi, hier, j'avais demandé à Judith si j'avais le bon Shirley. Et puis, ben, elle a dit, vas-y. Puis là, ben, je suis allé. Où? Voir Shirley. Puis? Et puis, ben, quand j'ai été au bar. Oui. Et la serveuse. Oh oui, la serveuse. Oh oui, c'est vrai, elle s'appelle Shirley. Oui. Mais monsieur, ça a fonctionné. Bien sûr. OK. C'est quoi? C'est de l'anglais. Oh. De l'anglais québéco-colonisé. Oui, le purlaine. Purlaine colonisé. On aime ça de même, hein? Oui, monsieur. Et donc, j'arrive j'ouvre la porte. Oui, alors vous êtes au bar du bar. Et là, je vois, monsieur, vous tremblotez. Je tremblote régulièrement. Surtout lorsqu'il fait froid. Mais il fait 32 degrés, mais avec l'humidex 39. Je sais. Alors, je vois. On passe à la musique? Non, de Shirley. OK. Et là, pour vérifier si j'avais bien en bouche le mot Shirley, oui. Alors, j'ai dit Shirley. Et puis là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, elle était occupée avec avec qui? Un homme, oui. Et là, ben l'homme, lui, s'est retourné voir qui disait ça. Là, il m'a crié chou! Et pour nous envelopper, bon, Isabelle Shirley, journaliste et spécialiste de la musique rock, Isabelle Shirley, est l'auteur du dictionnaire des chansons de Nirvana. Hey, c'est vrai, pourquoi pas faire une petite chanson de Nirvana? Non, le vrai Nirvana. C'est qui le vrai Nirvana? Ben, c'est Kurt Cobain. Oh, c'est vrai. Le guide de la survie des filles rock. Et ça, les filles rock, on les aime. Oh, les cheveux graisseux, là, très graisseux. Plus t'es rock and roll, plus t'as le cheveu graisseux. Moins ils le sont, plus t'es dans le classique. Puis on n'aime pas ça, le classique, quand on est rock and roll. J'ai demandé ça à Didier Wampas en 2010. J'ai dit, mon Didier, là, j'étais heureux, j'étais devant l'artiste qui venait de descendre de scène parce qu'il s'était, malheureusement, le pied, il était tombé par-dessus, carpaton, en bas de la scène. J'ai dit, mon Didier, tu fais mal? Il disait, l'amour. Il s'est pas fait mal. Là, les filles étaient sur lui, puis en dessous de lui, puis c'était merveilleux. C'était comme un sandwich féminin avec Didier dans le milieu. C'est à l'époque où il était avec les... Ben, il est toujours avec les Wampas, mais il est en solo actuellement. Didier Wampas solo, c'est exceptionnel. Album merveilleux que je recevrai sous peu, là, sur la... Grâce à la gentillesse de mon ami Didier. Oh! Didier Ouvrard? Non, Didier Wampas. Oh! Et puis, donc, il était en sandwich. Puis ça, là, Didier Wampas en sandwich, en deux... entouré de femmes, c'est pour lui le summum. Et pour toi? Moi, j'en reviens pas. Moi, là, regarde, c'est... le cœur me flanche. Oh, juste le cœur? Le cœur me flanche. Et puis après? Oh, tout le reste par la suite, mais je reste quand même érigé de bonheur. Oh! Imaginez-vous, en sandwich, entouré de filles. Ça, là, c'est comme la saucisse entourée de bacon. Oh! Où est la... Comment t'appelles ça? Le cure-dent? Le cure-dent? Il n'y en a pas de cure-dent. Comment ça, il n'y a pas de cure-dent? Comment le bacon peut tenir sur la saucisse? Ah, ben ça, c'est de la magie féminine. Il est malade. Bon, ensuite de ça, le guide du Paris Rock, elle collabore de même souffle au magazine Rock and Folk et Well of Music. We Love Music. Elle écrivait également à Voici et au journal 20 minutes. Selon son entourage, elle fait les meilleurs muffins de tout Paris. Mais comme je ne les ai jamais testés, je garde un bémol. Deux moineaux, huit marmottes. 7 lapins, 4 moineaux. Là, les gens vont dire il l'a pas. Mais oui, je l'ai. Chut, chut, chut. Avant de crier chou, 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 choix et 3 poussins. Comment? Des choix. C'est des petits choix. C'est des choix qui n'ont pas encore eu de naissance dans le ventre de la petite maman. Mais de la maman chat qui fait toujours les choix de la semaine dernière. Là. Et de l'autre semaine, on parle beaucoup de chats ici à l'émission. T'aimes ça les chats? Ben, j'en ai souvent dans la gorge. Donc, 10, je vais la faire sans me tromper. Et j'arrêterai pas sans que... Comment? Je me tromperai plus jamais. OK. Allez, vas-y. Sinon, je continue. In vitam paperman. Oh! 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris verte. Ladies and gentlemen, oui, attends, madame, Meryl elle est passée au bar, elle est tombée dans le bar. La malade. Il a dit, attends, là, on va te faire un petit OK, t'enchaîneras. Elle n'est pas capable, elle ne comprend pas ça, elle. Mais non, elle n'est pas barrée. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'enchaîner. Mais non, elle n'est jamais barrée. Bon, on va se dépêcher. En juillet dernier, Erin Renadienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cette demoiselle charmante et stylisée. C'est qui, ça? Ben c'est Isabelle Shirley. Oh! Isabelle Shirley. Something's mine.

Je sais que pour certaines personnes, surtout M. Roy, là, ce Roy qui se dit « c'est de la musique de drogué !» Nous sommes tous des pêcheurs, M. Roy. Tirez-moi votre couronne, oh! Et je serai à saisir. Alors c'était, bien sûr, Nirvana. La publicité se veut un art de persuader. Alors, vous écoutez Errance Rénaldienne, la CKRL, le 89.1, la radio à Québec. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de... Ben, c'est gay. Ah, comment? Lego. Oui, ça, c'est de la gadoue. La gadou, c'est toujours beau, hein, lorsqu'on saute dessus avec des beaux pantalons blancs. Ah, c'est, hey, les classels. Oh, c'était classique, les classels. Les classels au Québec, si vous n'êtes pas de la génération de M. Roy et de Rénal Gagné, ben, c'était un groupe québécois qui reprenait des chansons anglophones, mais en français. Donc, on exemple. Puis là, c'est vrai, là, c'est merveilleux ce qui se passait dans les années 60, fin des années 50, 60. C'est-à-dire un gros hit. Un succès mondial arrivait aux oreilles de producteurs québécois. Ça peut autant être une chanson des Beatles que de, je sais pas qui, donc, Frank Sinatra. Et Frank Sinatra, peut-être pas, hein, c'est, non, c'est qui, donc, un petit peu, là, mon, ouais, monsieur Elvis Presley, oh! Alors, toutes ces chansons-là étaient en une soirée, là, ça créait autour du producteur une certaine frénésie. Là, il se disait, hey, moi, je dois traduire ça en français. Et le soir, on brossait rapidement un texte et la nuit, on appelait un chanteur. On disait, hey, toi, viens en studio, tu vas enregistrer ça. Et les Classels en ont été de ces groupes et de ces chanteurs à reproduire des chansons anglophones en français. Et il y a eu aussi plein d'autres interprètes, solistes et groupes. Je vous les nommerai pas parce que je risque de m'endormir moi-même. Et puis, surtout, j'entends déjà les gens crier « Chou! » Oui, monsieur. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ça joue dur dans le milieu. Oh! Dans le bar aussi, dans le milieu, dans le bar, à gauche, à droite, du côté gauche, du côté droite. Oui, monsieur. Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Ici, M. Roy se demandait si Nirvana est... c'est la musique de drogué. C'est peut-être pas de la musique de drogué, mais ça a été fait par des musiciens. Alors bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ah, oh, mon Dieu, j'ai mis le Buck en haut. Ah, c'est pas vrai, je dois me lever. Est-ce qu'on peut passer une plage musicale? On vient de sortir de la plage. Ah, oh, mon Dieu. Sur la plage, je peux m'en aller. Ce soir, pour toujours. Comptez jusqu'à deux. Non, trois. Et je reviens dans trois. Un. Deux. Deux et demi. Ils vont voir ça, ils vont dire qu'il n'y a pas d'organisation. Ben non, la recherchiste est partie. Me chercher un suppositoire, OK? Parce que ça va pas très bien au niveau de la gorge. Oh, alors tu vois, je vais manger un bon suppositoire. Ça fait du bien. Ah, moi, j'aime ça. Pour mieux le digérer, j'applique de l'essence, un gel d'essence. Oh! l'essence du Népal. Oh, pas encore. Avec, c'est fait par les Népalais. Oh! C'est beau, les Népalais. Oh, c'est très beau. C'est très crémeux, les Népalais. Oh, je sais pas, moi, là. Alors, le titre, excusez-moi, monsieur. Ben, monsieur. Lâchez le là, s'il vous plaît, chou, chou! OK, allez-vous-en. Excusez-moi, là, il faut des gens sérieux pour faire cette émission-là, et c'est moi. Rénal Gagné, Rance Rénaldienne. Ce que vous avez entendu là, c'est un énergumène qui a saisi le micro et qui a pris malheureusement la tribune sans avoir vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Mais ici, il n'y a que des choses. Que des choses. Et des spectres. Et des. Je suis en train de cracher sur le beau disque de Nirmana. Oh mon Dieu, il met ça dans son étui à crayonne. Il s'appelait Crayon, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Il avait besoin d'affection, gnon, gnon, gnon, gnon, gnon, gnon. Il avait un ami en prison, parce qu'il jouait trop bien du gun. Conception, conception. Oh, oh, il va la faire. Oh, ici. Oh, Dolores, oh, toi, ma douloureuse, perdue à San Diego, oh, tout nu. Dans ce dépado, je perds mon dos. Dans ma talonnado, do, ré, ré, rayon du soleil d'or. Fa, c'est facile à chanter. Pas si facile. La, la. Là, ici, maintenant, OK. Bukowski, le meurtre de Ramon Vasquez. Oh non, tu dis le titre avant la première phrase. Oh non. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis qu'un incompétent. Un pépin dans cette radio communautaire assez cohérente. Je suis qu'un gros pépin. Un pépin qui ne peut pas s'extirper lui-même. Ouais, voyons, non, vas-y, là, pleure pas, mais j'aimerais ça la pleurer. Ben, pleurez là. On prend une seconde pour pleurer. Terminé. La première phrase, c'est, ils s'en souviennent même plus du titre, OK? Ils ont tiré la sonnette. Les deux frères. Ben oui. C'est des frères siamois. Comment? Des frères siamois. Siamois. Mois de mai, mois de juin, c'était des frères. Mois de juillet, c'était fini, c'était plus des frères. Ils chicanaient, là. C'était dans la. Comment t'appelles ça? La discorde totale. Oh. Et quand c'est total? Ben, c'est pas demi. Non, c'est pas demi, c'est total. Quand c'est total? C'est total. Plus total que ça? C'est total. Bon. Alors, les deux frères, monsieur, on les aimait, on vient de loin. C'était des malades au niveau du coup de poing. Tu regardais, ils te frappaient. Tu regardais pas, ils te frappaient. Tu leur parlais, ils te frappaient. Tu leur parlais pas, ils te frappaient. Bref, ils frappaient n'importe où, n'importe qui. Fait que, tranquille, toi, là, les deux frères, hey. Puis, tu pensais qu'ils étaient deux, là, mais à force de frapper, ils étaient 12, 52, 92, 250 000, là, mon Dieu. Ça, c'est comme le soir où les deux frères m'ont approché de près avec leur poignet qui était accidenté par tant de coups sur mon visage. Et là, j'arrive à la pizza, manger une belle pizza, sainte, la vraie, là. Mm. Puis là, je la regarde, mon aliment, j'ai dit, mais c'est du, mais c'est de la pizza. Alors, hey, là, je voyais de la grosse pépite, là, c'était du pepperoni. La grosse pépite de pepperoni. Puis là, quand j'étais, parce que j'avais été sonné, moi, là, le ding-dong, alors ça répond, Mme Tremblay? Oui. Êtes-vous là? Oui! Ça a sonné. Ben, je sais, j'ai répondu. Merci, madame. Alors, j'ai été sonné, moi, là, je voyais du gros pépé, du petit, non, c'était de l'immense pépé. Du quoi? Du pépé. Pépé, oui! Pépé, oui! T'es-tu pépé, mon pépé? Oui, très pépé! Mais là, qu'est-ce que tu voyais? Je voyais du pépé, je voyais des gros morceaux de pépé. Ronnie Schneider. Oh, tu voyais du gros Ronnie Schneider? Elle était pas grosse en plus, la Ronnie. Oh, non, elle était tout petite. C'est pour ça qu'on disait hey, la Ronnie. Puis là, elle disait oui, je suis renié par la Ronnie. Oh mon Dieu. Ouais, moi, je voyais la Ronnie, moi, là, un gros morceau de Ronnie. Ah non, c'est du pepperoni. Pepperoni, Ronnie. Je voyais ça. C'était immense, ça, sur ma pizza. Il y avait 250 000 morceaux de pepperoni sur ma pizza. Je lui dis, comment on fait faire ça pour couper ça? Fait que là, le cuisinier, il arrive avec sa hache. Ça quoi, sa hache? Ah, mais c'est un Québécois, ben oui. Tout Québécois se promène avec sa hache. Pas de hache, pas de Québécois. Avec sa pipe à hache. Oh mon Dieu, ça coupe la hache. Oh mon Dieu, ça n'arrache un Québécois moyen. Ah, oh, c'est... Fait que là, la pizza était là, il en arrachait, quoi. Là, il avait tiré sa pipe, là, il était devant moi, puis avec sa hache, mais moi... J'avais eu des coups, moi, là, à la mâchoire, au nez, aux yeux, à l'eau. Ça va bien, ça va très bien, toi. Mais les gros pépéronis m'attaquent. Mais non, ils t'attaquent pas. Ben, ils vont m'attaquer. Ben non, hey, on va te couper ça en quatre. Moi, je comprendrais bien qu'on peut couper un cheveu en quatre, mais comment couper un peu... Non, c'est pas le pépé, c'est la pizza. Ah, oh, la pizza va être coupée en quatre, pas le pépé. Le pépé avec, ben le pépé aussi, mais... Ben oui, il y a 250, ah, arrête donc. Ben, il y a beaucoup de morceaux, ben non. Oh, mon loup. Je vois tant de pizzas, ben il y en a juste une, avec autant. Non, parce que t'as reçu des coups sur le mignon. Mignon donc, toi, ça me fait... Ça saigne, hein? Ah, oh, ça saigne vers le haut. Oh, mon... Penses-tu que c'est une embolie cérébrale à l'intérieur? Ça saigne-tu dans ma... Ben, on peut pas le voir, c'est dans ta tête. Ah, oh, mon Dieu, ça saigne souvent dans ma tête. Moi. Oh. Moi, je fais des infections urinaires dans ma tête. Moi. Ouais, oui, j'ai manqué ma thérapie, je me suis pas réveillée. Non? Personne ne m'éveille. Ben, oui. Ah, évidemment, c'est à cause de notre problème sexuel. Non, premièrement, là, j'ai un autre grief contre toi. Attends. Tu sais, tu es tellement égocentrique que si oui. Moi, je manque ma thérapie, oui. Tu déclares que c'est toi le plus affecté par oui. La chose. Oui, mais affecté dans le sens que à trop affecté, on se désinfecte, là, mais c'est comme ma personne. Hein, ma personne, lorsque je vois un pizza avec autant de gros pepperoni. Ah, ben là, t'es deux. Mais les frères ont frappé fort. Oh, c'est ça. Puis là, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'était Le meurtre de Ramon Vazquez. Non, c'est Vasquez, voilà. Oh!

Elle se baladait en chantant la la la. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé être Lacan. Mais les premiers rapports, elle me fit du mal. J'étais le mâle et la femelle fait mal. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Acide et douce, telle la citronnelle. La miss me laisse par son acte con. J'ordonne l'abscisse, mais cela reste abscon. J'ai un esprit sain dans un corps très sain. J'ai fait le bien, mais elle est allée voir plus loin. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais. Des costauds jouent au domino. Elle me fait constater que j'ai moins d'abdominaux, que je n'ai pas les triceps de Sylvester Stallone. Mais ça me froisse le cortex. Je m'appelle Claude. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Vive ou vivote dans mes airs sensoriels. Pourtant classé non macho, je n'étais pas collabo. Des mythes d'infériorité dont te taxe Rousseau. Mais Miss me nomme Lilliput comme chez Swift. Du fait de mon mètre 78. Oh belle, elle est bonne, elle a du bol, la demoiselle. Elle se trouvait des défauts, je trouvais qu'elle était belle. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, est d'or. Alors je me tais. Que j'ai été un imbécile. Elle était presque ma presqu'île. Les beaux parleurs ont beau parler, la belle Adonne reste à mes yeux de toute beauté. Seul Dieu sait qu'elle, son lait, c'est qu'elle. Incrustée dans ses yeux de miel. J'ai tenté de répondre à ses besoins en m'inspirant du fin, du fin. Cela fait des années que je suis classé dans les bons. Mais bon, le son de son silence me fait monter d'un demi-ton. Elle m'inspire, tout comme le souvenir de son sourire. Garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que son silence est d'or, est d'or. Alors je me tais. À dire que je n'ai pas une vessie capable d'encenser autant d'essence, moi, là. Ah, oh, mon Dieu, veux-tu la... Non, on la répète pas, on l'a dit une fois, c'est simplement celle-là. Comment ça? C'est la seule prise. La prise que j'ai eue, c'est comme quand tu vas à la pêche. Oh, mon Dieu, à la ligne? Ben, là, oui, quand je vais à la pêche, moi, c'est à la ligne. Oh! C'est comme le point. Oui, le point à la ligne. Oh! Plus tu l'as dans la ligne, plus je l'ai dans le point. Aïe, aïe, donc. Alors, je n'ai jamais... Il va leur dire, mais oui, le public n'était pas attentif. Il était... Ah, il n'était pas attentif à ce que j'allais dire, là. Ah, c'est vrai, il était épiverdé. Mais là, ils se sont dit, hé, c'est Rénal qui parle, on se la boucle. Je n'ai pas une vessie capable d'encenser autant d'essence. Oh, c'est de qui? Ben, c'est l'essentiel, là. C'est. Comme le mentionnait Jim Morrison. Oh! Errance rénaldienne. C'est l'émission la plus étrange. Et là, quand je dis étrange, c'est étrange. À laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ah ben voyons! Jim Morrison! Jim Morrison! OK, mais l'excuse, oui. C'est mon sexe qui est un problème. Non. Ça te va, mon sexe non. Est un problème. Non. Là. Non, madame, oui, c'est, vous êtes madame sexe. OK, mais l'excuse, oui. C'est mon sexe qui est un non. Problème. Ça te va, mon sexe non. Est un problème. Non. Là. Non. Excusez-moi. Nous sommes en direct. Et nous sommes à CKRL, donc on ne parle pas de ça. Nous ne sommes pas une ligne ouverte. pour parler de ces choses qui nous entourent, d'intime. Comment ça, d'intime? D'intime. Ben oui, je vois ça à la télé, moi. Quoi? Qu'est-ce que tu vois à la télé? Ben, est-ce qu'elle... OK, mais excusez, mon sexe qui est un problème. Non. Ça te va, mon sexe est un problème. Là! Cet atelier, ben, on va se mettre faire mal. Cette semaine, oui. Et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons. T'es tout le temps, je pleurais, moi, là, tranquillement, je pleurais. Mais j'étais au sommet de la réaction, et puis là, je me suis laissé. Du chou, on vous chouchoie maintenant. On n'a pas très bien. Du chou, oui. On vous chouchoie maintenant. OK. Ce qu'il voulait dire, là, c'est du chou, on vous chouchoie maintenant. Oh, mais là, ça sort mal, hein, ben oui. Du chou, on vous chouchoie maintenant. De quoi ça... Ben voilà, garde une reprise, c'est ça, là. Voilà une reprise. Du chou, on vous chouchoie maintenant. Et ça, c'est de l'articulation, hein? Oui, très bien. Cette semaine, merci, monsieur. Merci, madame. Merci, non, je suis un monsieur. Oh! C'est confondant. C'est très con. Très con. Ah, monsieur. C'est dans le... C'est dans le con. Dans le confondant, oui. Cette semaine, et on est chaud, là. Et jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe reconstruction. Oh, mon... Reconstruction. Ben oui. On est dans une société où on veut reconstruire. Reconstruire quoi? Prime abord, reconstruire son corps. Oh. Reconstruire son être, mais beaucoup moins à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est très, très, très préoccupé par l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui ça? Ben, les gens. Les gens, les Claude aussi. Les Claude, les gens. Les Luc. Les Luc. Les Simon. Les Simon. Les André. Oh non, les André, oh, voilà, pas dans... Pas d'André. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Mais non, mais des André. Non, pas d'André. OK. Des, je sais pas, des Adriens. Ah, oh, des Adriens. Ben oui, les Adriens. Ben, qu'est-ce qu'ils disent, les Adriens? Ils disent qu'il faut reconstruire tout ce qui nous entoure. Ah, oh, mon Dieu. Le peuple aussi, en général. Ben oui, oui, très, très en général. Même la majorité des gens. Oui. Comment ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à la reconstruction qu'à la construction? Pourquoi pas ne pas construire pour la vie, pour éviter de re? De quoi? De re. Re. Re. Parce que dans la construction, il y a reconstruction, c'est-à-dire qu'on a déjà fait le travail et on doit refaire le travail. Ce qui est fait, reste fait. Si c'est une œuvre d'art, ça reste une œuvre d'art. Si c'est une ébauche, ça reste une ébauche. Si c'est un brouillon... Ben c'est proche. Il me semble que le brouillon, c'est proche de l'ébauche. C'est vrai. L'ébauche, c'est très proche du brouillon. Et le brouillon? Ben, proche de l'ébauche. Et l'ébauche? Proche du brouillon. Le brouillon? Proche de... Mais là, monsieur, madame, mademoiselle, on s'excuse infiniment. On est en train de réfléchir devant vous sur la reconstruction. Ben oui. Ben oui, à trop construire... On déconstruit. Ah, ça, c'est... On déconstruit un couple. Ah, le couple ne veut pas s'attarder là-dessus. Il veut simplement construire. Et quand ça s'est défait... Quand on tente de remodeler, ça se défait toujours. Parce que le passif arrive à nous avaler, à nous manger tout rond. On se souvient de ce qui nous énervait sur l'autre, ce qui nous titillait, ce qui nous irritait, ce qui nous a amené à se déconstruire. Alors, il nous faut, madame, mademoiselle, messieurs. Ah, il va dire la phrase. Oui, madame, un peu d'écho, oui. C'est le moment de divulguer des vraies choses. Ah, mon Dieu, il y en a des vraies. Il y en a des fausses. Il y en a des belles. Ça, c'est autre chose. Mais... Cessons de reconstruire. Oui. Pour simplement construire in vitam paparman. Oh! Ne pas chercher à refaire ce qui a déjà été fait. Le monde est malheureusement fugace. Oui. Passe très vite. Oui. Dans une éclair. Oh. L'éclair de génie vient de passer. Oui, il était pas là. Non, il était parti. Oh! En construction. Non, il était des... Non, c'était pas très beau, donc il a voulu refaire. Ah, mon Dieu, c'est pas en reconstruction. Oui. Et puis? Ah, ça a été très mauvais pour lui. Pourquoi? Ben parce qu'il aurait pu faire un chef-d'œuvre à nouveau. Mais non, il a voulu retravailler sur son brouillon. Puis ça s'est pas... ça a pas été ce qu'il voulait. C'est ça qui est important. Comme nous sommes des êtres instantanés. Oui. Pas très tannés encore. Non, mais très instant. Très instant, mais pas trop tannés. Pas encore. Parce que lorsque les gens sont trop tannés, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ils achèvent maintenant leur existence. Ah, mon Dieu. Donc, avant d'être instantanés, oui. Cessons de reconstruire et construisons. Hey, c'est beau. Tu pourrais être un prêche. Oui, je pourrais prêcher. J'ai un... Comment t'appelles ça, donc? Un appât, un menin, un gros menin, un gros menu, un gros mini, un mini-menu, un minou. Non, un gros menu, un moineau. Arrête donc de te vanter. J'ai un petit moineau. Hey, en passant... Attends. En passant, nous tenons à le dire, parce que c'est très rare qu'à Errance Rénaldienne, nous refusons de pénétrer un mot dans le grand château de la francophonie. Alors, reconstruction est retirée à jamais de notre grand quoi? Ben, grande institution que se veut le château symbolique de la francophonie. Alors, non, ne pénétrez point, restez au seuil et surtout descendez en enfer. Non, montez en enfer. Tournez à gauche, là, c'est l'enfer. Troisième porte, là, c'est le bûcher. Puis si vous tournez à droite, là, ça va très bien, c'est le bar. Toutes les prostituées... Comment? Les prostituées sont là. Ben voyons, c'est pas ça. Oui. En mort, là. Toute la fête se passe là. Troisième. Alors, si un jour vous trépassez rapidement, allez pas tout droit. Hein? Deuxième porte là, à gauche. Puis là, c'est maintenant que la reconstitution se trouve là. Tout ce qui est extravagant, tout ce qui est interdit sera couché dans cette case. Exceptionnel. OK, on y va. Avec quoi? Avec le téléphone. Le téléphone, ça va sonner. Ça va sonner. OK. Allô? Nino? Bernadette, elle est très chouette. Bernadette. Et sa cousine, elle est divine. Elle est divine. Mais son cousin, il est vilain. Il est malsain. Malsain? Je dirais même que c'est un bon à rien. Un bon à rien. Allô, Gaston? Gaston, ça va pas très bien, c'est Rénal. On a voulu reconstruire le mot dans le château symbolique de la francophonie, mais il s'est dissous et il est monté en enfer. Peux-tu nous dire à quel endroit? As-tu ton GPS? Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston? C'est ah, je suis fatigué. Je peux-tu me couper? C'est Rénal. non, c'est pas les c'est... Non, Rénal. J'ai hâte que l'émission se termine. Ben, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est une blague. C'est les gens ont cru ça. Madame Tremblay, croyez-vous que c'est le temps? J'ai entendu ce que vous avez dit. Oui. Vous êtes passé à côté de mon travail. Oui. J'affirme que vous travestissez ma pensée. Que l'on vous ait confié une chair, quelle qu'elle soit, est une chose confondante. Mais confondante dans le sens de con. Marie-Louise est exquise. Elle est sublime. Marie-Thérèse. Elle est balèze. Elle est obèse. Pas à peine, à peine. Marie-Berthe. Oh, elle est experte. Elle est experte. Par l'entremise de Satan Artémise. Édouard. Fume le cigare. Le gros cigare. Et Léonard.

ding dong, oh mon dieu, la fin de l'errance rénaldienne sonne. Ding dong, l'entendez-vous? Oh mon dieu. Bon, j'aime pas ça, cette sonnerie-là, parce que ça m'attriste. Arrête donc, c'est pas vrai. Ben oui. Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, ben là, ça reste dans l'intimité. Oh, OK. Alors, j'appelle le téléphone. Tantôt, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Bon, bon. On y va tout le monde ensemble? J'appelle au téléphone. Non, j'appelle le téléphone. Allô, téléphone? Oh, excusez-moi. On reprend les repères et on perd les repas. On reprend les repères et on perd les gros parts. Oh, quels sont les gros parts? Ben, c'est le téléphone. Oh, mon Dieu. J'appelle le téléphone. Allô? Oh, ça répond en direct. Allô? Donc, c'est peut-être un long distance. Ah, mon Dieu, on n'a pas d'argent. On n'a jamais d'argent. Oh, mon Dieu. Bernadette, elle est très chouette. Elle est très chouette, Bernadette. Et sa cousine, elle est divine. Mais là, on appelle au téléphone un numéro d'improvisation. Allô, l'improvisation? Oui, mais on peut pas parce que Gaston est au téléphone. Ben oui, on dort. Elle est divine. Oh, comment ça? Mais oui, son cousin... Il est malsain, oui. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie. Elle est jolie, sublime, enfin. Bien que Zoé, mais plus que Nathalie. Et Chloé. Anatole, il est frivole. Oui. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Excusez-moi. On avait le batteur du téléphone. Oui, ça fait fring, fring. Oui, c'est pas ça. C'est teling-teling, teling-teling. Oh, OK. De teling-teling à fring-fring. Ben c'est ça. On a embauché trois. Les trois s'imaginaient qu'ils pouvaient jouer le téléphone, puis ils étaient incapables. Oh! On est entouré d'incapables, Mme Tremblay. Oh, je savais. T'es incapable, M. Trudeau. Oh, mais ça, ma femme me l'a dit souvent que j'étais un incapable. Et vous? Ben, moi, je suis très capable d'être incapable. Oh, vous êtes très incapable d'être incapable. Ben oui. Ah, oh, c'est facile d'être incapable quand t'es pas capable. Oui. OK. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre? On poursuit l'appel. Oui, l'appel du téléphone. Pour ce numéro d'improvisation, est-ce que Rénal Gagné est là? Rénal ne téléphone pas aux personnes. Ben non, c'est... Hey, saviez-vous que Rénal Gagné... Oh. Rénal Gagné. Qui? Chose, là. Ah, oh, la chose. La chose, oui. Était. Vous saviez pas? Mais non, on va le savoir. Non, c'est pas un cam. Oui, c'est oui. Rénal Gagné. Oui. C'est un quoi? Je peux pas le dire maintenant, là. J'ai comme. Ah, vas-y, il n'y a plus de temps. Bon, t'as fait le gars. C'est un misanthrope. Oh, mon dieu. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui y répond. Pouvez-vous finir? Bon, c'est ça. C'est de l'improvisation toute nue. Oui, c'est moi. Oui, OK, c'est vous. OK. On n'a même pas appelé, puis c'est lui. Oh, mon Dieu. OK, la babine. On va appeler la babine. Êtes-vous prêt? Oui, on a le téléphone. Il nous a répondu. La babine, c'est vous, la babine? Oui, c'est moi. OK, la babine. Là, nous sommes déjà en retard. Là. L'émission touche à sa fin. On touche à la fin. Mais ben, non, tire-toi le bras. C'est à deux bras de la fin. Non, c'est terminé. Oh, mon Dieu, 45 secondes, c'est terminé. Ah, la babine? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on peut vous babiner plus tard si vous désirez? Oui, c'est moi. Oui, en dehors de l'émission, est-ce que ce sera vous encore? Oui, c'est moi. C'est toujours vous à travers toutes ces farandoles d'émotions? Oui, c'est moi. Écoute, la babine.

national versus le nucléaire. Pendu par les pieds au balcon, on voit le monde à l'envers. Peine à l'abri dans son cocon, on voit la vie en vert. Tant, stant, stant, stant, stant. Un petit accommodement avec ça? Je me promenais hier soir, sa rue Richard, j'avais rien à faire. Je cherchais un bar pour boire ma petite bière tout seul d'un coin noir, me paqueter la gueule. Oh, ici comme ailleurs, on sent nulle part. Même si j'ai un cœur, des fois je me sens mort. Si boire, c'est pas facile la vie. Faut croire, je suis pas le premier qui le dit. Quand je regarde mon chien qui se lamente au bout de sa chaîne, pis que moi je check puis je rentre dans ma pio. Dans mon tombeau, c'est pas drôle de se voir dans un cabot. Attends un peu, y a du monde avant toi. Pour le train de la grosse vie, faut réserver ses cash ou argent comptant, une banque qui crash. Tout le monde couché, amène le cash à bébé, j'ai un train à prendre, tout le monde à plein ventre. Je veux pas de BS, mon chum, apporte le cash, mon homme. J'ai un train à prendre, il me faut de l'argent. Je veux pas me vendre, puis je veux pas, mais surtout pas une job d'un restaurant. Je t'aboute de voir des faces que je veux pas voir, de sauter des crevasses, pis des miroirs pantins dans une plotte de laine. Bière et vin au fond de la caverne. Pis même si j'ai l'air de puer le cafard, de rêver au cimetière ou d'un accident de char, c'est clair que la vie, je l'adore. La terre, ma musique, mon trésor. Je me promène à matin, sa rue Richard, une poignée de change, un joint que je vais fumer quelque part. Si boire, c'est pas facile.